La première loi. Deux savants hébreux, Shammai et Hillel, ne pouvaient s'entendre en rien. Shammai était dur et sévère, tandis que Hillel était doux et bon. Un jour, un païen se rendit chez Shammai et lui dit « Je voudrais adopter la plus juste croyance, à la condition toutefois que tu m'en apprennes toutes les lois pendant que je vais faire une fois le tour de la chambre sur un pied. » Shammai se fâcha et le chassa. Alors le païen alla voir Hillel et lui fit la même proposition. « C'est bien, mon fils, répondit Hillel, fais aux autres ce que tu désires pour toi-même. Voilà le fond de notre doctrine. Le reste ne sert qu'à la développer. »